nous avons tous deux abordé, sans y croire, apeurés. Deux enfants voulant qu'on les rassure. Une belle aventure que nous avons tous deux embrassée, tendre amour, doux baiser. Une histoire qui commence et qui dure, une impression de liberté, une impression aimer. L'éternité. Mais l'amour n'est pas mort, et je le sais, nous serons